éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Quand on parle de Frida Kahlo, on pense aussitôt à ses autoportraits, à ses couronnes de fleurs, à ses couleurs éclatantes ou même encore à ses sourcils bien célèbres. On la résume souvent à une peintre de la douleur ou à un symbole féministe. Mais derrière cette image populaire se cache une vie encore plus vaste, plus difficile que l'on connaît peu. Frida Kahlo naît en 1907 dans une petite ville près de Mexico. Très tôt, son existence est marquée par la maladie. À 6 ans, elle contracte la poliomyélite, qui est une maladie qui envahit le système nerveux. Cette infection lui laisse une jambe plus fine qu'elle cachera plus tard sous de longues jupes. Loin de se laisser abattre, elle développe un caractère vif, un goût prononcé pour le sport et la provocation. À 18 ans, sa vie bascule à nouveau. Un grave accident de bus scolaire lui fracture sa colonne vertébrale. Elle doit alors rester alitée pendant de longs mois. C'est dans son lit d'hôpital qu'elle commence à peindre plus sérieusement, installant même un miroir au-dessus d'elle pour se prendre en modèle. Ce moment de sa vie est bien connu du grand public. Ce qui l'est moins, c'est la façon dont Frida Kahlo va transformer cette épreuve. Elle ne se contente pas d'exprimer sa souffrance, elle en fait une matière créative. Frida Kahlo est aussi profondément engagée politiquement. Membre du parti communiste mexicain, elle accueille chez elle des figures majeures de l'époque, comme Léon Trotsky. Ses tableaux sont en partie traversés par l'amour de Frida pour le Mexique, son histoire et ses couleurs populaires. Ses vêtements traditionnels, ses motifs aztèques, tout exprime un attachement à la culture mexicaine, un refus de l'influence occidentale. Son couple avec Diego Rivera est célèbre, mais Frida n'est pas seulement la muse du grand muraliste. Elle expose à New York, à Paris, et des artistes comme André Breton saluent son originalité. Son œuvre aborde l'identité, la maternité, le genre, bien avant l'art contemporain. Malgré les opérations, les douleurs et même une amputation, elle continue à peindre jusqu'à la fin de sa vie. Son dernier tableau, Viva la Vida, est haut en couleur. Il est certainement une célébration de la vie, peint alors que la sienne touchait à sa fin la même année. Aujourd'hui, on voit son image partout, sur des sacs, des t-shirts, des affiches. Mais Frida Kahlo est bien plus qu'une icône décorative. C'était une femme libre, entière, qui a fait de chaque épreuve une force. Elle a su transformer sa douleur en art, et c'est ce qui nous montre qu'il faut encore parler d'elle aujourd'hui.